Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 2. Après cela, un homme de la famille de Lévi sortit et prit une femme de sa race, laquelle conçut et enfanta un fils. Et le voyant beau, elle le cacha pendant 3 mois. Mais comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit une corbeille de jonc et l'enduisit de bitume et de poix. Puis elle mit dedans le petit enfant et l'exposa parmi les joncs de la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait au loin et considérant l'issue de la chose. Or voilà que la fille de Pharaon descendait pour se baigner dans le fleuve, et ses jeunes filles marchaient le long du bord de l'eau. Lorsqu'elle eut vu la corbeille au milieu des joncs, elle envoya une de ses servantes qui l'emporta. Ouvrant la corbeille et apercevant le petit enfant qui criait, elle eut pitié de lui et dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant, « Voulez-vous, lui dit-elle, que j'aille et que je vous fasse venir une femme des Hébreux qui puisse nourrir ce petit enfant ?» Elle répondit « Va !» La jeune fille alla et appela sa mère. À laquelle la fille de Pharaon ayant parlé, « Prends, dit-elle, cet enfant et nourris-le-moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » La femme prit et nourrit l'enfant. Et quand il eut grandi, elle le remit à la fille de Pharaon, qui l'adopta pour son fils et lui donna le nom de Moïse, disant « C'est de l'eau que je l'ai tiré. » En ces jours-là, après que Moïse fut devenu grand, il sortit vers ses frères, et il vit leur affliction, et un Égyptien frappant un des Hébreux, ses frères. Or lorsqu'il eut regardé çà et là, et qu'il eut vu qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Et étant sorti le jour suivant, il aperçut 2 Hébreux qui se querellaient. Et il demanda à celui qui faisait l'injure, « Pourquoi frappes-tu ton semblable ?» Celui-ci répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer comme hier tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Comment cette chose est-elle devenue publique ?» Cependant Pharaon apprit ce discours, et il cherchait à faire mourir Moïse, qui, fuyant de sa présence, demeura dans la terre de Madian et s'assit près d'un puits. Or le prêtre de Madian avait 7 filles qui vinrent pour puiser de l'eau. Et les canaux remplis, elles désiraient abreuver les troupeaux de leur père. Les pasteurs survinrent et les chassèrent. Mais Moïse se leva, et les jeunes filles défendues, il abreuva leurs brebis. Lorsqu'elles furent revenues vers Raguel, leur père, il leur demanda « Pourquoi êtes-vous revenus plus tôt que de coutume ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des pasteurs. De plus, il a même puisé de l'eau avec nous et il a donné à boire à nos brebis. »« Mais où est-il ? » répondit Raguel. « Pourquoi avez-vous laissé aller cet homme ? Appelez-le afin qu'il mange du pain. » Moïse jura donc qu'il habiterait avec lui. Et il prit Séphora, sa fille, pour femme, laquelle lui enfanta un fils, qu'il appela Gersam, disant « J'ai été voyageur dans une terre étrangère. » Mais elle en enfanta un autre, qu'il appela Eliezer, disant « Le Dieu de mon père, mon aide, m'a délivré de la main de Pharaon. » Mais après bien du temps, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël, gémissant à cause de leurs travaux, vociféraient, et leur clameur monta de leurs travaux jusqu'à Dieu. Et il entendit leurs gémissements, et il se souvint de l'alliance qu'il fit avec Abraham, Isaac et Jacob. Et le Seigneur regarda les enfants d'Israël, et il les reconnut. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.